Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 75. De la dérision. Que, la dérision, péché distinct de ceux qui précèdent, et parfois un péché mortel. 1. La dérision est-elle distincte des autres péchés de parole? Les péchés de parole se distinguent par le but que l'on se propose. On veut, dans les invectives, déprimer l'honneur, dans la détraction, ternir la réputation, dans la délation, désunir les amis, dans la dérision, faire rougir quelqu'un. Il suit de là que la dérision ou moquerie est un péché spécial et distinct de ceux qui précèdent, puisque le but qu'on s'y propose est différent. Note. Le moqueur veut nous faire perdre, à nos propres yeux, la gloire d'une bonne conscience. Il essaie, dans ce dessein, de nous couvrir de confusion, en nous mettant devant les yeux quelque action vicieuse ou honteuse capable de nous faire rougir. Fin de la note. 2. La dérision peut-elle être un péché mortel? Il est écrit que Dieu se rira des moqueurs. Proverbe 3. Cela ne suppose-t-il pas que les dérisions ou les moqueries peuvent constituer un péché mortel? Que l'on plaisante ou que l'on se moque des péchés ou des défauts d'une personne, parce qu'on les regarde comme peu considérables en eux-mêmes, ce n'est là qu'une faute vénielle dans son genre. Mais si vous ne jugez ces péchés ou ces défauts peu importants que par suite du mépris que vous avez pour cette personne, comme vous feriez au sujet d'un enfant ou d'un insensé, la moquerie ou dérision peut, dans ce cas, être une faute mortelle. Elle augmente de gravité en proportion du respect auquel a droit la personne dont on se fait un jouet. Le péché le plus grave en cette matière est la dérision des choses divines. Voilà pourquoi le prophète Isaïe s'écrit, « Sais-tu bien qui tu as insulté, qui tu as blasphémé, contre qui tu as élevé la voix ?» Isaïe 37, 23. Puis il ajoute, « N'est-ce pas contre le Saint d'Israël ?» La moquerie des parents, au sujet de laquelle il est écrit, que l'œil qui se moque d'un père et qui insulte au droit sacré d'une mère soit arraché par les corbeaux des torrents, qu'il soit dévoré par les petits de l'aigle. Proverbe 30, 17, prend rang immédiatement après celle de Dieu. Vient ensuite la moquerie des justes, qui ravit à la vertu l'honneur qu'on lui doit, et dont Job se plaint en disant, la simplicité du juste est devenue un sujet de dérision. Job 12, 4. Elle est très funeste, par son efficacité à détourner les hommes de la vertu. Les railleries, selon la pensée de Saint Grégoire, détruisent, comme avec une main pestiférée, le bien qui commence à paraître dans une âme. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.